comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette sixième émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Diri au microphone et je suis très heureux, comme à chaque semaine, de vous accueillir à nouveau sur nos ondes. Mais il y a de quoi être particulièrement heureux aujourd'hui, alors que les couleurs de la région nous rappellent à quel point la vita è bella. Lorsqu'on prend la peine de regarder autour de nous et de respirer un peu cet air frais de l'automne qui nous habite. On apprenait récemment dans de nombreux médias que le gouvernement chinois venait de mettre en place des mesures pour renforcer la censure sur Internet, en interdisant cette fois de publier et de diffuser des émotions négatives. L'argument donné pour justifier de telles restrictions, c'est que cela permettra d'enrayer les discours pessimistes qui abondent sur les réseaux sociaux, en réduisant au silence les rapporteurs de mauvaises nouvelles. On dit aussi vouloir faire la promotion de l'optimisme et d'un environnement plus jovial et serein sur Internet. Pour ma part, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de mettre en valeur l'espoir, le bonheur et l'optimisme dans notre émission d'aujourd'hui, mais je laisse de côté la question de la censure du web en Chine pour le moment. Et nous plongeons tout de suite dans notre récit historique intitulé « L'histoire de Chine à dos de tortue ». Avant de plonger dans le récit à proprement parler, je vais revenir brièvement, comme promis, sur la suite des explications du titre choisi, « À dos de tortue ». On a déjà parlé du rythme avec lequel on avance, on a parlé de l'origine de l'écriture en Chine, mais il me restait de brefs éléments à préciser. D'abord, comme je l'ai mentionné dans la portion méthodologique des premières rencontres, l'histoire que je raconte est marquée par ma propre perspective sur le monde. Il ne s'agit pas d'un récit qui essaie de suivre un canevas prétendument objectif, un canevas qui suivrait des vérités indiscutables qui seraient les mêmes pour tout le monde en tout lieu et en tout moment. D'ailleurs, je ne crois pas à ce genre de récit historique. Tout simplement parce que l'histoire est parmi les sciences qui sont les plus marquées par la perspective de l'auteur et du chercheur. Mais je crois surtout qu'il faut assumer pleinement cette caractéristique qui distingue notre regard de celui que les autres ont posé autour du thème qui est celui de l'histoire de la Chine. Alors, puisqu'il faut mettre en valeur ce qui me caractérise, ceux qui me connaissent savent très bien que la tortue a une signification particulièrement importante dans ma vie, et ce depuis très longtemps. J'ai effectivement grandi pour une bonne partie de mon enfance dans un petit village qui se nommait justement le Lac à la Tortue. La symbolique de la tortue fait donc partie de ma vie depuis très longtemps, avant même que je m'intéresse à l'étude de la Chine. Mais il y a plus encore. Tant qu'à décortiquer la signification d'un titre, aussi bien aller jusqu'au bout de l'exercice. Le lac à la Tortue, qui fait maintenant partie de la ville de Shawinigan, est situé en Mauricie, mais surtout, il borde en partie une vaste région qui se nomme Mekinac, la MRC de Mekinac. En fait, Mekinac vient de la langue algonquine et signifie tout simplement « tortue ». Et si on continue de creuser encore dans la direction des traditions autochtones, on trouve de nombreux mythes nord-américains qui présentent l'espace sur lequel nous habitons comme étant situé sur le dos d'une tortue. L'histoire à dos de tortue, c'est donc une histoire de la Chine qui est écrite par quelqu'un qui a grandi au lac à la Tortue, dans la région de Mekinac. C'est un récit historique qui met en valeur la perspective unique qu'on peut avoir sur le monde, dans une saison qui n'existe que dans le nord-est de l'Amérique, comme chantait à peu près Joe Dassin, c'est-à-dire sur le dos coloré de la grande tortue. L'histoire de Chine à dos de tortue promet propose de mettre en valeur le lieu depuis lequel on s'exprime en histoire. Et ça n'a rien d'anodin, puisque c'est ce qui donne à notre récit une coloration particulière. J'ai toujours senti que le Québec avait quelque chose d'unique à offrir en tant que perspective sur le monde. Et dans le domaine des études chinoises, ça se manifeste de manière très concrète, puisque notre nation s'est développée, entre autres choses, à la jonction de deux parmi les grands empires coloniaux qui ont tenté de façonner le monde entre le 17e et le 19e siècle, soit l'Empire français et l'Empire anglais. Et dans le domaine de la sinologie, ce double héritage est marqué par des traditions intellectuelles complémentaires. Un double héritage marqué à la fois par l'œuvre de Jacques Gernet en France et celle de John K. Fairbank aux États-Unis. Ce double regard sur la Chine, « made in Québec », à l'école de Fairbank et de Gernet, comme point de départ pour notre récit historique, un récit qui s'écrit lentement, par un petit gars qui a grandi sur le dos de la grande Mekinac, voilà en quelque sorte la signification du titre choisi, l'histoire de Chine à dos de tortue. Mais voilà pour la portion plus théorique de la journée, et il est temps de passer à la musique avant de sombrer dans le pessimisme et risquer de se faire censurer parce qu'on propagerait des émotions négatives. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'il n'y a rien de mieux que la danse pour exprimer la joie de vivre et le bonheur, surtout quand on est capable de revenir aux bases du rock and roll. Je vous avais parlé en début de nos rencontres de Tuétienne, celui qu'on nomme le père du rock and roll. Je vous avais promis qu'il jouerait beaucoup à notre antenne, alors nous y voilà à nouveau. Avec aujourd'hui la chanson éponyme de son album qui est parmi les plus célèbres de tous les temps. Un album qui est sorti en 1989 et qui s'intitule « Le rock'n'roll de la nouvelle longue marche » « Xin Chang Cheng Lu Shang de Yao Guan ». Ce qui est intéressant avec la chanson de Tuétienne, c'est que, comme nous sommes dans les bases du rock'n'roll, on peut facilement apprendre à compter en chinois. 1, 2, 3, 4. Puis une autre fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis à 8, la musique repart. Vous allez vous y retrouver assez facilement. I, R, San, Si. Puis, I, R, San, Si, U, Liu, Qi. Voici donc une chanson de Tuétienne intitulée « Le rock'n'roll de la nouvelle longue marche ». Thank you. Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à reprendre notre récit historique là où nous l'avions laissé la semaine dernière. Nous étions alors rendus à l'époque des royaumes combattants et des saintes écoles. Et nous venions tout juste de commencer à parler des points de similitude qui existaient entre les différentes écoles de pensée. En plus de l'idéal d'unité dont nous avons parlé, dont nous avons déjà parlé, une deuxième similarité importante à souligner pourrait se résumer à l'expression « le contexte fait foi de tout ». Essentiellement, on pourrait suggérer le fait que la pensée chinoise ancienne est strictement pragmatique dans ses visées et toujours contextuelle dans son énonciation. C'est une pensée qui ne saurait se contenter de discussions strictement métaphysiques qui porteraient sur le sens de la vie ou sur la signification en des termes absolus de valeur morale, de qualité ou de vertu. Prenons par exemple la célèbre question à savoir si quelqu'un voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Une question qu'on nous présente chaque fois comme si elle permettait d'identifier à quel type de caractère l'individu qui répond appartient. Soit on est optimiste, soit on est pessimiste, apparemment. Mais ce genre de questions simplistes que les psychologues du dimanche affectionnent particulièrement, questions qu'on retrouve dans toutes les revues à potins de toutes les salles d'attente du monde, ce genre de questions n'a aucune signification, ni aucune pertinence, si on l'observe à partir du point de vue de la pensée chinoise ancienne. En fait, pour être en mesure d'y répondre adéquatement, il faudrait d'abord s'interroger à savoir de quoi le verre est-il rempli, à quel endroit sommes-nous, à quel moment du jour, du mois, de l'année, dans quel contexte, étions-nous en train de remplir le verre ou de le vider lorsque la question a été posée? Combien de personnes dépendent-ils de ce verre et pour combien de temps? Y a-t-il d'autres réserves pour le remplir? La pensée chinoise ancienne s'exprime de manière éminemment pragmatique et dynamique. Elle est contextuelle et toutes les idées dont elle témoigne reflètent cette contextualisation qui est inhérente au propos. Si on poursuit, il y a une troisième similarité qui me paraît essentielle à souligner entre les différentes écoles de pensée. C'est une similarité qui a trait à ce qu'on pourrait appeler les héritages communs de l'Antiquité. Ces héritages constituent un ensemble de textes qui sont partagés, qui sont lus et commentés et qui servent de base commune aux échanges. C'est le référent auquel toutes les réflexions politiques, philosophiques ou morales de l'époque se rattachent ou se définissent à partir d'eux. Ces textes viennent principalement des documents produits par les scribes et analystes de la cour des Zhou, mais aussi des principautés qui étaient alliées de la royauté Zhou. Sans trop exagérer, on peut dire que la très vaste histoire de la pensée chinoise constitue d'abord une discussion et une organisation pleine d'interprétations diverses qui portent justement sur cet héritage venu de l'Antiquité. Ces textes sont connus comme étant les classiques, Qing, et leur nombre a considérablement évolué au cours de l'histoire. Mais pour la période de l'Antiquité, ils sont d'abord au nombre de cinq, reflétant cinq visions sociopolitiques qui sont d'ordre métaphysique, politique, poétique, social et historique. Les cinq classiques de l'Antiquité sont d'abord le Livre des Mutations, le Classique des Documents, le Livre des Odes, le Classique de la Musique, ainsi que les annales de la principauté de Lu. Le I Ching, qu'on appelle le livre des mutations, c'est le plus ancien de tous les classiques Et c'est un livre qui tire son origine dans les pratiques divinatoires dont nous avons déjà parlé. Le livre est composé d'une série d'aphorismes plus ou moins énigmatiques et il se présente comme un reflet ésotérique de la sagesse populaire, voire un témoignage au sujet des mœurs anciennes. Reposant sur les 64 hexagrammes constitués à partir de baguettes paires et impaires, les textes mettent en scène la dualité des éléments, proposant les combinaisons infinies d'une logique binaire dont l'alternance se retrouve pratiquement en toute chose. Vide plein, souple dur, jour-nuit, chaud-froid, et ainsi de suite. L'alternance des forces opposées et la nécessaire complémentarité des éléments sont deux trames centrales, alors que la symbolique des nombres y joue tout autant un rôle fondamental. C'est d'ailleurs dans cette œuvre, le I Ching, qu'on retrouve l'origine de concepts fondateurs comme le Tao ou le Yin-Yang. La version moderne du texte à laquelle nous avons accès fut compilée au 3e siècle avant notre ère. Au final, le livre des mutations offre aux penseurs chinois de toutes les époques la conviction qu'il existe ce qu'on pourrait appeler une déchiffrabilité du monde, par l'observation et par l'interprétation des signes, ce qui ouvre la porte à des interprétations infinies selon les contextes, les périodes et les âges. On retrouve ensuite parmi les classiques le Shu Qing, soit le classique des documents. Il s'agit en fait d'une collection des annales historiques de la cour des Zhou. On peut le considérer grosso modo comme une chronique portant sur les actions de la noblesse de l'époque, offrant un témoignage sur le cœur de la pensée politique archaïque de la Chine. Le livre comprend des chapitres sur les rois sages et les empereurs mythiques, la théorie des cinq éléments, la géographie et les principes de la vassalité, etc. Compilé tardivement, soit à l'époque de la dynastie Han que nous verrons prochainement, une période entre le 3e siècle avant et le 3e siècle après notre ère, le livre a longtemps contenu de faux documents qui avaient été forgés par les compilateurs, des documents qui reflètent davantage les préoccupations de cette époque et leur rapport avec le passé. Parmi les classiques, on trouve ensuite le Shi Qing, qui est le classique de la poésie ou le livre des odes. Il s'agit d'une œuvre plus littéraire que les autres, contenant des poèmes qui étaient chantés à la cour des Zhou, accompagnés de différents instruments de musique, incluant les carillons et les cloches. La poésie qui se reflète dans le livre des Odes est un hommage aux relations sociales et aux valeurs nobiliaires de l'époque, exprimant les sentiments amoureux, la confiance, la fidélité, la loyauté et la reconnaissance pour ne nommer que ceux-ci. On trouvait aussi dans les textes anciens un classique de la musique qui s'appelle le Yue Qing, mais ce dernier classique est encore à ce jour considéré disparu. Parlant de musique, le rock and roll était là pour nous faire danser au début de cette émission, parce qu'on a choisi d'éviter de parler des émotions négatives. On va donc continuer sur cette voie du bonheur et on va continuer notre exploration musicale sur le thème de la danse, mais on va aussi y ajouter le thème de la diversité culturelle. Nous avons vu en effet, lors des premières rencontres, que les origines de la Chine mettaient en valeur une diversité de cultures qui avaient convergé entre elles. C'est donc, en quelque sorte, pour illustrer cette richesse de la diversité des perspectives sur le monde que je vous présente une pièce qui s'intitule « La danse des gens de Yi ». Il s'agit d'une minorité ethnique, Yizhou, vivant dans le sud-ouest de la Chine, notamment dans la province du Yunnan. Voici donc la danse des gens de Yi dans une version interprétée au pipa en solo par Liu Fang, une artiste de renommée mondiale.